Thank you. il faut bien le dire, c'était quand même très joli. Ça. Donc, allons en Louisiane, mes amis, dans ce pays qui ressemble à l'Italie. Voilà. Bravo, c'était magnifique.